j'ai fait hier soir. La nuit a dû durer très tard. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir. Ma petite amie m'a laissé un mot disant qu'elle me quitterait bientôt ou tard. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir. Trois filles sont venues sonner chez moi. Mon voisin voulait me faire la peau. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir, la nuit a dû durer très tard. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir, le patron du bar est une balance. Pourtant je n'avais pas le cafard, deux hommes en blanc m'ont mis dans l'ambulance. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir, la nuit a dû être très noire. J'ai fait hier soir, la nuit a dû durer très tard. Je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir. Ma petite amie m'a laissé un mot disant qu'elle me quitterait bientôt ou tard. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait hier soir. Trois filles sont venues sonner chez moi. Mon voisin voulait...